de Nicolas Boileau, Il est certains esprits, un recueil de l'art poétique. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassé. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée, plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots, pour le dire, arrivent aisément. Surtout quand vos écrits, la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous soient toujours sacrés. En vain, vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre, ou le tour vicieux. Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, ni d'un vers en poulet l'orgueilleux solécisme. Sans la langue en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. Un style si rapide et qui court en rimant marque moins trop d'esprit que peu de jugement. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez.